إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous sommes donc toujours dans la série d'explication du livre de Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى, qui est Sifat Salat al-Nabi alayhi salatu wassalam, la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, explication faite par Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul hafidahullahu ta'ala. Donc on commence directement un nouveau chapitre. As-salatu fi ni'ali wal-amru biha wa kana yaqifu alayhi salatu wassalam hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan wa abaha thalika li ummatihi faqal idha salla ahadukum فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. وأكد عليهم الصلاة فيها أحيانا فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. Juste en guise de rappel pour les frères qui n'ont pas l'habitude de suivre le cours, on lit d'abord en arabe, on traduira en français ensuite, inshallah. Donc vous inquiétez pas. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذن وفي رواية خبثا فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذن وفي الرواية الأخرى خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. Donc on commence un nouveau chapitre aujourd'hui, et c'est la parole de Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى, car le livre de miséricorde, il dit la prière avec les sandales aux pieds et l'ordre de le faire. Donc on va s'attacher à étudier le fait de prier avec des sandales ou pas. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, priait parfois pieds nus et parfois avec les sandales aux pieds. On avait dit qu'une des caractéristiques de ce livre, par laquelle il avait pression sur beaucoup d'autres livres et que les ulama lui donnaient tellement d'importance, justement c'est que la formulation était directement quoi, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez que quand il commence Cheikh Al-Albani, il dit « Wa kana yaqifu hafiyan » il rapporte directement la sunna. À la kulli hal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam priait parfois pieds nus et parfois avec les sandales aux pieds. Il l'a autorisé à sa communauté en disant si l'un d'entre vous prie, qu'il porte ses sandales ou les mette entre ses pieds et qu'il ne nuise pas à autrui avec les sandales, qu'il ne nuise pas à autre que lui avec les sandales. Il a insisté alayhi sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons de prier parfois en sandales en disant différenciez-vous, khalifou, différenciez-vous des juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales, ni avec leurs khifaf. Alors s'il y a un point dans la loura qu'on va rapporter ici, inshallah ta'ala, c'est khifaf, le mot khifaf. Le mot khifaf en arabe, khifafun, c'est le pluriel de khuffun. Khuffun, khifafun. قال العلامة محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي حفظه الله تعالى في ذخيرة العقبة في شرح المجتبى. Donc on va voir ce que veut dire le mot khuf dans la langue arabe par l'explication de Cheikh l'Éthiopie de Sharh Sunan Nasa'i. Et pour rappel, concernant Cheikh l'Éthiopie, c'est un Cheikh qui est toujours vivant, qui est à la Mecque, qui est un muhaddith connu chez les mashayikh et chez les tullab, peut-être moins chez les gens de la masse en général. À la kulli hal, c'est un grand Cheikh. Hein, je vous recommande vivement ses ouvrages. Il a fait Sharh Sahih Muslim, il ne l'a toujours pas fini d'ailleurs. Il est arrivé à 14 volumes alors qu'il a à peine rentré dans Kitab Salah. Il a fait la Muqaddimat Sahih Muslim en deux volumes, qu'il a appelé Qurrat al-Ain Muhtaj, fi Muqaddimat l'Imam Muslim ibn al-Hajjaj. Il a fait de nombreux ouvrages, dont notamment, comme je vous ai dit, Sharh Sunan Nasa'i, qui est complet en 42 tomes, qui a été publié en 22 volumes. Et Cheikh Mokbil disait d'ailleurs à propos de lui, dans son introduction de Sharh Sunan Nasa'i, il disait que c'est un océan dans les sciences, et particulièrement la science de la langue arabe et du hadith. Donc il dit, hafidhahullah ta'ala, wal khuffu ma yulbasu. On va voir qu'est-ce que ça veut dire après en français. Qalahu fil lisan. Quand vous entendez lisan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lisan, lisan l'arabe de qui? Ibn al-Mandhur. Ibn al-Mandhur. Wa mithluhu fil misbah. C'est un dictionnaire que je vous ai déjà recommandé également. C'est un dictionnaire arabe-arabe. Et celui-là, il est résumé en un tome. C'est-à-dire que vous avez le mot en arabe, vous avez son sens en arabe. Wa fil mu'jam al-wasit, ma yulbasu fil rijli min jildin raqiqin. Donc, qu'est-ce que le khuf? On a dit khifaf, c'est le pluriel de khufun. Khufun, khifafun. Eh bien, le shir, l'éminent savant Mohammed ibn Ali, ibn Adam, ibn Moussa, l'Éthiopie, qu'Allah le préserve, nous dit dans son explication de Sunan Nasa'i, qui a plusieurs titres d'ailleurs, on l'appelle Sunan Sughra. Les ulémas font la différence par exemple entre Sunan al-Kubra et Sunan al-Sughra de l'imam Nasa'i, qui sont tous les deux de lui. Et ils disent que, comme Cheikh l'Éthiopie l'a rapporté dans sa introduction du Sharh Sunan Nasa'i, que Sunan al-Sughra, ça a été pris de Sunan al-Kubra, et qu'il a pris les hadiths les plus authentiques de Sunan al-Kubra pour en faire Sunan al-Sughra. Et Cheikh l'Éthiopie, il a expliqué ses sunan, et il l'a appelé Al-Mujtaba. C'est un des noms de sunan al-Sughra, c'est Al-Mujtaba ou Al-Mujtana. Il y a différentes riwayas de Mashaykh sur Al-Mujtaba ou Al-Mujtana. Pourquoi? Parce que Al-Mujtaba, il y a un point en dessous, et Al-Mujtana, un point au-dessus, ça soit un bas, soit un nun. Donc Cheikh l'Éthiopie, en fonction de deux noms, il a donné deux titres à son livre. Et donc il a appelé un des noms, en tout cas ici, c'est Dhakhiratul Uqba. Donc il dit dans ce livre-là, c'est quelques fawaïd au niveau du hadith, etc. C'est important de connaître les livres, c'est pour ça que je vous rapporte tout ça. Il dit donc dans le volume 3, page 81, hadith numéro 118, que le khouf, c'est ce qui est mis, porté. Et c'est ce qui est rapporté dans Al-Lisan. Et comme je dis Al-Lisan, qu'on entend Al-Lisan, c'est quoi? Lisan l'arabe, dit Ibn al-Mandhur, que je vous recommande vivement. C'est un dictionnaire qui, si je me souviens bien, en 19 volumes ou 20 volumes, l'édition en tout cas que moi j'ai à la maison, et c'est un dictionnaire arabe-arabe également. Et c'est un dictionnaire très utilisé par les mashayikh et par Tullab al-Ilm. Donc c'est un achat un jour à faire, Inch'Allah. Et il dit donc, et dans Al-Misbah, de manière similaire, c'est aussi un autre livre dans la langue arabe. À la kulli hal, il dit dans Al-Mu'jam al-Wasit, c'est un autre dictionnaire, il dit au sujet du khouf, c'est ce qui est mis au pied d'un cuir fin. Min jildin, raqiq, comme il a dit le cheikh ici. Ça, c'est un point donc dans la langue arabe concernant al-khuf, ou bien le pluriel al-khifafu. D'accord? Vous trouvez dans beaucoup de hadiths le mot khuf, khifaf. On a fini ce point-là et on continue avec le matn de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il dit, rahimahullah ta'ala, donc on parle de Cheikh al-Albani ici, il est aussi arrivé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les enlève pendant la prière. Comme on fait souvent avec Cheikh Bezmoul, on va tout résumer à la fin, donc ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, mais essayez déjà de prendre des notes. Il dit, il est aussi arrivé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les enlève pendant la prière, puis continue sa prière. Et ça c'est important, on va voir pourquoi après. Comme l'a rapporté Abu Sa'id al-Khudri, Abu Sa'id al-Khudri, c'est un compagnon, hein, radiallahu anhu, il fait partie des al-Mukthirin dans le Sahaba. Comme dit Cheikh al-Ethiopie dans Sharh Sunan al-Nasa'i, dans le premier volume, il dit Fal-Mukthiruna fil-Ikhbari, Abu Huraira fa-Ibn Umara, fa-Anas fa-Zawjatu al-Nabi, fal-Bahru Jabirun ma'a al-Khudri. Donc, ça, c'est les sept Mukthirin parmi Sahaba, c'est-à-dire quoi, les sept qui ont rapporté plus que 1000 hadiths parmi les Sahaba, comme dit Cheikh al-Ethiopie. Donc Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, ardah, il dit, un jour, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, guidait la prière, il retira ses sandales et les plaça à sa gauche. Lorsque les gens virent cela, ils retirèrent leurs sandales. Lorsqu'il eut fini sa prière, il dit, alayhi salatu wassalam, qu'avez-vous enlevé vos sandales? Ils dirent, nous t'avons vu retirer tes sandales, nous retirâmes alors les nôtres. Il dit alors, en vérité, Jibril est venu à moi et m'informa qu'il y avait une saleté. Et où il dit, quelque chose de nuisible. Adhan en arabe. Et dans une autre version, notre riwaya, c'est quoi? Une impureté sur mes sandales. Je les ai donc enlevées. Si l'un d'entre vous se rend à la mosquée, qu'il regarde ses sandales. Qu'il regarde ses sandales. Si il y voit une saleté, où il dit quelque chose de nuisible, dans notre version, une impureté, qu'il les essuie et prie avec. Lorsqu'il, c'est-à-dire qui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les enlevait, il les plaçait à sa gauche. Et il disait, si l'un d'entre vous prie, qu'il ne place pas ses sandales à sa droite. Et qu'il ne les place pas à gauche non plus. Afin qu'elles ne soient pas à la droite de quelqu'un d'autre, sauf s'il n'y a personne à sa gauche. On va tout revoir ça à la fin, Inch'Allah, donc pour que ce soit clair, en résumé, et qu'il les place donc entre ses pieds. On va voir les différentes situations en fait après, quand vous êtes tout seul, qu'on est tout seul, ou bien quand on prie en jama'a qu'à quelqu'un à notre gauche, etc. Donc Cheikh Bezmoul, il commente ce passage de Cheikh l'Albani, et il dit, on lit en arabe, comme on fait d'habitude, et après on lit en français, Inch'Allah. Et il dit, « هذا الفصل من كلام المصنف فيه عدة مسائل. » المسألة الأولى هل تجوز الصلاة في النعل؟ الجواب نعم تجوز الصلاة في النعل لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. On les lit d'abord en arabe, puis on les lira en français, ou si vous voulez, je les fais un par un. C'est comme vous voulez. Je les fais un par un. C'est bien pour l'arabe aussi, pour un peu avancer au niveau de la langue arabe. C'est une des raisons pour laquelle on fait ces cours en français ici. Donc, Cheikh Bezmoul, il commence ce passage en disant. Le premier point, donc ce chapitre comprend certains points ou les points suivants, et le premier point c'est lequel, c'est est-il autorisé de prier avec des sandales? Donc la question elle est posée ici, est-il autorisé de prier avec des sandales? C'est qu'est-ce que vous dites? La réponse c'est Naam, c'est oui, il est permis de prier avec des sandales car cela a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il dit al mas'alatu الثانية المسألة الثانية ما حكم الصلاة في النعل الجواب حكم الصلاة هو الاستحباب حكم الصلاة هو الاستحباب والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم comme on a vu خفاف c'est le pluriel de خف وهذا الأمر للاستحباب. Et on va voir pourquoi. Parce que quelqu'un peut se poser la question, on va voir qu'il y a un verbe impératif ici, khalifu, différenciez-vous. Alors que le hukm ici, c'est l'istihbab. Donc on doit se poser la question, comment est-ce qu'on arrive à l'istihbab alors que ça devait être quoi, normalement? L'obligation, le wujub. Il va expliquer ça, le shir. Il dit, وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّهُ لِلِسْتِحْبَابِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ صَلَّى حَافِيًا وَصَلَّى مُنْتَعِلًا فلو كان الأمر للوجوب ما خالفه الرسول صلى الله عليه وسلم مع ملاحظة أن محل الاستحباب هو في أداء هذه السنة على الوجه الذي كان يؤديها به صلى الله عليه وسلم وذلك بمراعاة شروطها. Et ça, c'est un point très très très important. On va voir une qaïda qui était citée par Ibn Taymiyyah dans le fait de pratiquer quand on pratique une sunna, de la faire comme le prophète صلى الله عليه وسلم la faisait. On va voir avec les conditions, etc. On va le voir ça, Inch'Allah. D'abord, on traduit ce point-là. Donc, le deuxième point tiré de ce chapitre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il dit, Cheikh Bezmoul, il dit, quel est le jugement, donc deuxième question, Quel est le jugement sur le fait de prier avec des sandales? Qu'est-ce qu'il a dit le shir? La réponse c'est que c'est mustahab, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est préférable, recommandé. Il dit la preuve de cela, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: différenciez-vous des juifs, car ils ne prient pas avec leurs sandales, ni avec leurs, comme on a dit, al-khifaf, c'est quoi leur, le pluriel de khouf. Cheikh Bazmoul dit, concernant ce hadith, cet ordre, et où est-ce qu'il est l'ordre ici? Qui sait me le dire en arabe? Khalifu, c'est ce qu'on appelle quoi? Fi'lu amrin, khalifu. Il dit, cet ordre a valeur de préférence, de recommandation. Et la preuve que cela a valeur de recommandation est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié pieds nus. Et qu'il a prié avec des sandales. Si l'ordre avait valeur d'obligation, eh bien qu'est-ce qui serait passé? C'est que... Exactement, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'y aurait pas dérogé justement cet ordre-là. Alors qu'on voit que des fois il a prié pieds nus. Naam. Shir, il dit, ça c'est très important, il dit, avec la remarque que ce qui est préférable, c'est de mettre en pratique cette sunna de la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la mettait en pratique, en respectant ses conditions. Et on va voir justement la question suivante, c'est quoi? C'est, y a-t-il des conditions? Est-ce qu'il y a des shorot ou pas? Shartun, le jam'a c'est quoi? Shorotun. Est-ce qu'il y a des conditions ou pas? Et donc on arrive justement au troisième point. Elle dit, al-mas'alatu thalithatu, ay al-ma'khuda min kalam al-musannifi fi hadha al-fasl, qal, hal lis-salati fi an-ni'layni shurutun? Al-jawab lis-salati fi an-ni'layni shartani. Ash-shart al-awwal أن لا يكون في النعلين خبث بمعنى أن لا يكون في النعلين نجاسة وحتى تزول هذه النجاسة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيها خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما فالشرط الأول للصلاة في النعلين أن يكون النعلان خاليتين من الخبث الشرط الثاني أن لا يؤدي الصلاة في النعلين إلى الضرر لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. On va voir l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen de ce hadith là. لا ضرر لا ضرر avec le tashkil لا ضرر ولا ضرار. C'est un hadith qui fait partie des hadiths du des 42 hadiths de l'imam. On va voir ça inshallah. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالنعلين في مساجد مفروشة أي بالفرش إنما على التراب وعلى الحصير فإذا كان الفرش تتضرر أو يتأدى الناس من النعال فلا يصلي بها إذ العمل بالسنة. Ici c'est un point très très important pour les frères arabophones ici qui retiennent cette règle qu'il a mémorise même par cœur. إذ العمل بالسنة ينبغي أن يكون على السنة فنفعل السنة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله به فلا يصح أن يكون مقصود المسلم من السنة مجرد فعلها دون مراعاة الوجه الذي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم به وهذه قاعدة مهمة تتعلق بحقيقة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الأول. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Bazmoul, en commentant toujours ce passage concernant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prier avec les sandales et tout l'ahkam concernant ce chapitre-là, il dit en troisième point, y a-t-il des conditions? La réponse est Naam, c'est oui. Il dit, y a-t-il des conditions shurutun pour prier avec des sandales? Et bien Cheikh, il répond, il dit la réponse est Naam, c'est et oui. Et il y a deux conditions shartani. C'est ce qu'on appelle un muthanna en langue arabe, shartani, c'est-à-dire deux conditions pour prier avec des sandales. Donc shartun, un shart, shartani, deux shart, c'est-à-dire deux conditions, shurutun, trois et plus, c'est-à-dire des conditions. Il dit la première condition, qu'il n'y ait pas sur les sandales d'impureté. qu'il n'y ait pas sur les sandales d'impureté. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de najasatun. Hein? Qu'il n'y ait pas de najasa. Et afin que cette impureté soit retirée, c'est-à-dire quoi, ce qu'il faut comprendre ici, c'est au cas où il y en aurait une, justement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous sera à la mosquée, qu'il regarde ses sandales. S'il y trouve une impureté, qu'il les essuie. Et prie, ce qu'il faut comprendre ici, il prie avec, c'est-à-dire avec les sandales. Non. La première condition pour prier avec des sandales est donc qu'il n'y ait pas quoi d'impureté. La deuxième des conditions, ash-shartu thani, la deuxième condition, que le fait de prier avec des sandales ne cause pas de mal. Hein? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la darara wa la dirar. On fait un peu le tahrij du hadith, notez inshallah. Ce hadith il est rapporté par Ibn Majah, dans Sunan, et c'est le hadith numéro 2340. Hadith numéro 2340. D'après Ubadat ibn Samit, un compagnon très connu radiallahu anhu arda, et par Ad-Darqutni, qui est un imam très connu, rahmukallah. Qui est un imam très connu, dans son livre volume 3 page 77 ou hadith numéro 77. D'après un sahabi qui on a dit Abu Sa'id Al-Khudri. Et je vous ai dit qu'il fait partie, comme l'a dit Cheikh Al-Ethiopi dans Sharh Sunan Nasa'i dans le premier volume, qu'il fait partie des min mukthiri as-sahaba. Min mukthiri as-sahaba. Et هنا حذفت النون للاضافه. Min mukthiri as-sahaba. Il a dit al-mukthirun as-sahaba alladhina rawaw akthar min 1000 hadith. فقال Cheikh Al-Ethiopi, et c'est son poème à lui qu'il a écrit lui-même parce que c'est un grand savant dans la langue arabe, hafidahullah ta'ala, et il dit فالمكثرون في الإخبار أبو هريرة البخمية أبو هريرة يدي كلا رابورتي بلو دو 5300 حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فابن عمر سي كي ابن عمر عبد الله بن عمر فأنس سي أنس رضي الله عنه فزوجة النبي سي كي عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها فالبحر سي كي البحر. Et on s'est posé la question avec Abu Sahib hier, parce que dans le poème, nous on n'en voyait que 6, alors que Cheikh il a parlé de 7. Et après j'ai réfléchi, j'ai dit le Bahar. Mais ici, ce qui nous a induit ici, au début en erreur, c'est quoi? C'est que Fal Baharu Jabirun Ma'al Khudri. Il n'y a pas le waw l'atf. Ou hadi jaïs fil l'ouga. Hudifa harf l'atf. Fal Baharu Jabirun. C'est-à-dire qui? En vérité, c'est Fal Baharu wa Jabirun. Donc Fal Bahar, c'est qui? C'est Habr l'Umma. الحبر البحر عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس ف دوك عبد الله بن عباس اي كي ابخونا دي جابر اي بي الدغني مع الخدري سيغ كي ابو سعيد الخدري رضي الله عنهما جميعا il dit donc d'après Abu Sa'id al-Khudri il a été jugé authentique par le grand savant qui الشيخ الألباني رحمه الله dans Sahih al-Jami', et je vous donne la référence, numéro 7517. Cheikh al-Uthaymin, on lit l'explication en arabe de Cheikh al-Uthaymin de ce hadith, et on le traduit ensuite ensemble. On va juste en tout cas la partie qui nous concerne, c'est-à-dire quoi? La darar wa la dirar, on ne va pas lire tout le chapitre, ala kulli hal, c'est juste pour comprendre au niveau de la langue, qu'est-ce que veut dire la darar wa la dirar. Parce que je vous dis toujours que la traduction littérale, elle est dangereuse, il faut toujours traduire avec le sens. Tu revois avec le charah du hadith ou le tafsir du verset, avec un charah d'un savant. Et encore, je vous répète la nasiha toujours, donc dans le fait qu'on comprend qu'on est toujours dépendant de la compréhension du traducteur. Donc l'importance d'apprendre la langue arabe et d'aller directement à la source, de prendre le sanad al-a'la et de prendre directement des mashayikh. Il dit, Cheikh al-Uthaymin, et on rapporte le hadith d'abord, « An Abi Sa'id, Sa'd bin Malik, bin Sinan al-Khudri, radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maqal, la darara wa la dirar. » حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. كما نديت على كل حال حديث كي صحيح صحه شيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. دونك شيخ العثيمين كيسكي لي سيغ حديث لي يدي لا ضرر ولا ضرار. Il dit « La darar, ad-darar al-ma'rouf. » والضرر يكون في البدن ويكون في المال ويكون في الأولاد ويكون في المواشي وغيرها. ولا ضرار أي لا مضارة. والفرق بين الضرر والضرار. On va voir c'est quoi la différence, on va justement comprendre entre les deux, entre dar et dirar, ad-darar ou ad-dirar. On voit la différence, on va comprendre mieux ce que chacun des deux. Il dit أَنَّ الضَّرَرَ يَحْسُلُ بِدُونِ قَصْدٍ وَالْمَضَرَّ بِقَصْدٍ وَلِهَذَا جَاءَتْ بِالصِّغَةِ الْمُفَاعَلَةِ الضرار. مثل ذلك رجل له جار وعنده شجرة يسقيها كل يوم وإذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه لكنه لم يعلم فهذا نسميه ضررا. مثال آخر رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم فقال لأفعلن به ما يضره فركب موتورا له صوته كصوت الدراكتور يعني جبونس كي بارلو سي دي تراكتور على كل حال فا تخدير ابخي عند جدار جاره وقصده الإضرار بجاره فهذا نقول مضار. والمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له بل هو قاصده. وأما الضرر فإنه إذا تبين لمن وقع منه الضرر رفعه. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur l'Uthaymin, et c'est un point assez important pour comprendre qu'est-ce que veut dire le hadith ici, et pour comprendre justement la parole de Cheikh Bazmoul. Et c'est le hadith numéro 32 dans, le hadith, dans les hadiths de l'imam Nawawi, les 42 hadiths de l'imam Nawawi, hadith numéro 32. Et donc Cheikh Al-Uthaymin dans son explication, page 254 aux éditions Dar al-Minhaj et Dar al-Istiqama, il dit « Ad-dararu est connu, c'est le dégât, le préjudice, qu'on peut traduire en français par un dégât, un préjudice. » Il peut être causé au corps, al-badan, comme il a dit le shir, à l'argent, le mal, aux enfants, al-awlad, au bétail, al-mawashi, etc. Maintenant, la différence entre ad-darar ou ad-dirar. Il dit, c'est que ad-darar se fait, ça arrive sans en avoir l'intention. C'est fait de manière non intentionnelle. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il va dire à la fin que quand il se rend compte, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout pour le retirer. Tandis que l'autre, non, puisque justement, il l'a fait de manière intentionnelle. Il a porté ce préjudice à autrui, comme on dit en France, il a porté ce préjudice à autrui, justement, de manière intentionnelle. D'accord ? À la Kulihal, il dit, c'est que Ad-Darar se fait, arrive, par intention, de manière intentionnelle. Non, se fait sans en avoir l'intention. Tandis qu'Ad-Dirar se fait de manière intentionnelle. Il donne un exemple pour mieux clarifier la situation. Il dit, exemple, un homme a un voisin, il a donc un voisin, d'accord ? Et je ne regarde pas souvent les gens comme pour les frères qui n'ont pas l'habitude à droite ou à gauche, pourquoi ? Alors que c'est ça fait partie de l'adab du modéris de regarder tout le monde et de ne pas parler dans le direct que vers une personne, c'est parce que tout simplement, on ne peut pas m'éloigner du micro en fait. Parce que les gens ne sont pas le talk, il y a des sœurs à l'arrière. Et si je m'éloigne, ils vont pas entendre en fait, d'accord ? Donc vous m'excuserez à ce niveau-là. À la Kulihal, il dit, exemple, un homme a un voisin. Il a un arbre qu'il arrose tous les jours. D'accord ? Et un jour, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsqu'il arrose cet arbre, eh bien quoi ? L'eau passe chez son voisin. Et ça lui pose un préjudice. D'accord ? Mais il ne le sait pas, d'accord ? Eh bien, on appelle ça comment alors ? Darar. Pourquoi ? Parce qu'il l'a fait de manière non intentionnelle. C'est pas fait avec une intention, d'accord ? Il dit autre exemple maintenant pour voir l'autre, ad-dirar. Il dit quoi ? Il dit, un homme a avec son voisin ce qu'on appelle en arabe, su'u tafahumin. Mauvaise compréhension entre eux. Ils ne s'entendent pas. Il dit, c'est-à-dire qu'il y a entre eux une mauvaise compréhension. Il dit donc, je vais certes faire une chose, la af'alanna, un tawkid en arabe, je vais certes faire quelque chose qui lui causera un préjudice. C'est-à-dire quoi ? Il le fait de manière intentionnelle, na'am. Intentionnelle, pas attentionnelle, intentionnelle. Il monte alors sur un engin, comme le dit Shir à lui, qui fait du bruit comme un tracteur, à côté du mur de son voisin, avec l'intention justement de quoi ? De lui causer du mal à son voisin. Et ils disent donc ceci est ce qu'on appelle en arabe dirar, ad-dirar. Et il dit le shir, la différence réside également dans le fait que Ad-Darar, lorsqu'il s'en rend compte, hein, eh bien, il fait tout pour retirer ce préjudice. Justement parce qu'il l'a fait de manière, quoi, non intentionnelle, il ne le savait pas. Hmm? Tandis que Ad-Dirar, non, car il l'a fait de manière intentionnelle. D'accord ? Et donc, c'est la fin du sens de la parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Ça va, je peux continuer le troisième point ? Hmm ? On l'a lu en arabe, mais on ne l'a pas lu en français. Hein. Donc, maintenant, je fais la traduction. Cheikh Bazmoul, il continue et il rapporte le troisième point. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié avec des sandales dans des mosquées couvertes de tapis. Et ça, c'est un point important parce que la question l'avait été posée sur cette mosquée ici, à l'époque, à Cheikh Abel Jaberi. Hein, parce qu'il y a une discussion entre les frères, il y a quelques années, sur certains voulaient prier, hein, et certains avec, et certains vous, hein, voyaient que c'était. Hein, quoi hein, que ce qu'il ne fallait pas le faire. Alors, Kulhan Cheikh Bazmoul nous donne ici des règles à ce niveau-là. Hein, et c'est utile de savoir ça. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié avec des sandales dans des mosquées mafroucha, bilfourouche, hein, couvert de tapis, hein, bilfourouche. Il dit, il n'a prié avec des sandales que sur, il a dit en arabe, at-turab wal-hasir. Hein, c'est quoi at-turab? De la terre. Et c'est quoi al-hasir? En dirigeant dit al-hasira. Hein, c'est les nattes. Hein, et vous voyez, certains, dans certaines mosquées au Maroc, encore, des mosquées avec des nattes. Hein? D'accord. Et il dit, donc si on prie avec des sandales, hein, et si, ça, si le fait de prier avec des sandales, ça nuit au tapis, hein, ou aux gens, eh bien dit, on ne prie pas avec les sandales à ce moment-là. Si ça porte quoi? Si ça, ça cause une nuisance. Hein? Car la mise en pratique de la sunna doit être conforme à la sunna. C'est ça la règle qu'on a dit tout à l'heure qui est importante. Nous mettons en pratique la sunna comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faisait, de la manière que lui faisait. Hmm? Ceci est une règle importante, et c'est pour ça qu'il faut la mémoriser. Ceci est une règle importante liée à la réalisation. Il a dit en arabe, tahqiqu al-mutaba'ati lil-rasul sallallahu alayhi wa sallam, à la réalisation du suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à la mise en pratique de sa sunna. Hein? Et cette règle, elle a été citée par Ibn Taymiyyah rahimahullah, cheikh l'islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son recueil de fatawa, Majmou' al-Fatawa, et je vous donne la référence, volume 1, page 278-278, jusque 284. Donc 278, hein? Je dois faire attention, il y a des Suisses, des Belges, hein? 278-278, jusque 284. D'accord? المسألة الرابعة. Il dit, Cheikh Bazmoul, hafidahullah, أن يضع المصلين عليه إذا صلى حافيا. أين عفوا؟ أين يضع المصلين عليه إذا صلى حافيا؟ C'est une question à se poser. Maintenant, quand je prie pieds nus, où est-ce que je me mets sandales? Il dit, الجواب, إذا صلى المسلم حافيا فإنه يضعني عليه عن يساره. إذا il dit une condition, إذا لم يكن هناك أحد فإن كان يضعها فإن كان, hein? فإن كان, c'est-à-dire quoi? S'il y a quelqu'un, alors qu'est-ce qu'il fait? يضعها بين قدميه لما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلا يضعني عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه أما ما يفعله بعض الناس أن يضع النعال أمامهم ويسجد إلى جهتها فهذا أمر لا يليق ولا ينبغي. Ça, c'est une très belle enseignement du Cheikh, hein? Et vous voyez la précision du Cheikh par rapport à l'application de cette sunna, hein? Et ça, c'est une enseignement de manière générale. Et souvent, subhanallah, on voit des frères, ils veulent appliquer une sunna mais ils la font mal. Hmm? D'accord? Soit parce que c'est pas connu, soit parce qu'on est insouciant. On a ce qu'on appelle en arabe le ghafla. Hein? À la Kulihal, il dit le quatrième point. Il dit, ou le prieur, c'est-à-dire celui qui prie, hein, celui qui prie, doit mettre ses sandales lorsqu'il prie pieds nus. Hein? La réponse du Cheikh de Cheikh Bazmoun, Mohamed ben Omar Bazmoun, on avait dit qu'ils sont deux frères. Hein? Il y a Cheikh Ahmed ben Omar et Cheikh Mohamed ben Omar qui sont tous les deux salafis et qui sont tous les deux des Cheikhs de la Sunna et qui sont tous les deux à la Mecque. Et ici, on parle de qui? De Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoun. Il dit, Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoun, Hafidahullah Ta'ala, il dit, la réponse, si le musulman prie pieds nus, il met ses sandales à sa gauche, naam. S'il n'y a personne, vous avez vu la condition, s'il n'y a personne, d'accord? Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il les met entre ses pieds. En raison du hadith cité par l'auteur, c'est-à-dire Cheikh l'Albani, rahimahullah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si l'un d'entre vous prie, qu'il ne place pas ses sandales à sa droite ni à sa gauche, afin qu'elle ne se retrouve pas à la droite de quelqu'un d'autre. D'accord? Sauf si personne ne se trouve à sa gauche. Et donc là, on a déjà les différentes situations. On va les rapporter de manière résumée à la fin, inshallah. D'accord? Et qu'il les place entre ses pieds. Maintenant, Cheikh, il va rapporter entre ses pieds. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des gens, ils font une erreur, ils la mettent devant eux. Hein, il se prosterne en direction de ces sandales-là. Hein. Il dit, Cheikh, donc c'est la fin du hadith, tandis que ce que font certaines personnes, c'est Cheikh Bazmoun ici qui parle, c'est plus le hadith, tandis que ce que font certaines personnes, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs sandales devant eux, hein, et qu'ils se prosternent dans leur direction. Et vous avez peut-être vu ça ce vendredi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi? C'est qu'on nous a donné des plastiques à l'entrée de la mosquée pour mettre nos chaussures. Hein? Vous avez vu chacun comment est-ce que, hein, il a géré ce sac plastique-là, hein, lors de la prière. Hein. Donc c'est important d'avoir des dawabites comme celle-ci. D'accord? Il dit, tandis que ce que font certaines personnes, qu'ils mettent leurs sandales devant eux et qu'ils se prosternent dans leur direction, ceci est quelque chose qui n'est pas convenable, hein, et qu'il ne doit pas faire. Maintenant, rapporte quoi le cinquième point? المسألة الخامسة إذا صلى المسلم بنعليه ثم أثناء الصلاة تبين له أن في نعلين قدرا هل يجوز له أن يخلعهما أثناء الصلاة hein? La question maintenant, si tu pries que, on va le voir en français après, que tu vois que sur tes sandales il y a quelque chose, est-ce que tu peux le retirer pendant que tu pries ou pas, hein? Et ça, on va voir la réponse à ça là. Il dit le جواب نعم. إذا صلى المسلم بنعليه وتبين له أثناء الصلاة أن فيه نعليه أذن فإنه يجوز له أن يخلعهما ويبني على صلاته. Ça c'est important. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire. الحديث الذي أورده المصنف عن أبي سعيد الخدري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال آذن وفي رواية خبثا فألقيتهما فإذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قدرا أو قال أذن وفي رواية الأخرى خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما انتهى الحديث وفي دلالة على أن الحركات التي تحدث داخل الصلاة للحاجة أو لأمر عارض لا تبطل الصلاة وأن قول من قال ثلاث حركات متواليات في الصلاة تبطلها فيه نظر والله أعلم وفيه أن المصلي إذا كانت عليه نجاسة لا يعلم بها فإن صلاته بهذه النجاسة غير باطلة ما دام أنه لا يعلم بها والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على الصلاة التي صلىها بنعلين وكان بهما أذن فإذا كانت الصلاة تبطل بسبب وجود النجاسة التي لا يعلم بها لأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني كما قال شيخ بزمول حفظه الله تعالى de faire ce cours justement aujourd'hui, et je vous expliquerai pourquoi après, parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent, parce qu'il y a une conférence, hein, pas très loin d'ici, hein, je ne dirai pas leur nom, hein, parce qu'ils vont comprendre ce nom-là, et justement, eux, hein, ils disent ça, par rapport au harakat dans j'espère qu'ils ont compris en arabe, le cinquième point, si le musulman prie avec ses sandales, et que pendant la prière, il se rend compte qu'il y a une impureté sur ses sandales. Le point maintenant, la question, c'est quoi ? Lui est-il permis de les retirer pendant sa prière ? Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Naam, barakallahu fikoum, c'est juste. Ahsantoum. La réponse, oui. Et pourquoi ? Si le musulman prie et qu'il se rend compte pendant la prière, hein, qu'il y a quelque chose de nuisible sur ses sandales. D'accord ? Il lui est permis de retirer ses sandales et qu'il continue sa prière. Comment est-ce qu'on comprend aussi ? Le mot en arabe, c'est bana. Yibni ala salatihi. C'est-à-dire que quoi qu'il construit sur ce qu'il avait déjà prié avant. C'est-à-dire quoi qu'il ne recommence pas, il continue sa prière. Comment est-ce qu'on voit ça dans le hadith ? Qu'est-ce qu'il sait me dire ça ici ? En arabe ou en français ? Hein ? Hein, et puis avant ça, et parce qu'il a continué, il n'a pas recommencé. Hein, là, il y a des ahkam à tirer de ça, comme il va faire Cheikh Bazmoul Hafidhahullah. Donc il dit, et qu'il continue sa prière. Hein, et on va voir qu'est-ce que ça implique, cette chose-là. En raison du hadith cité par l'auteur d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu arda. Comme je dis que Cheikh l'Éthiopie, Hafidhullah, il dit que Abu Sa'id al-Khudri fait partie du Muqtadi min as-Sahaba. À la kulli hal, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous guidait dans la prière. Donc c'est le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Un jour, lorsqu'à un certain moment de sa prière, il retira ses sandales et les plaça à sa gauche. Hein? Lorsque les gens virent cela, ils retirèrent leurs sandales. Lorsqu'il eut fini sa prière, il dit: qu'avez-vous à retirer vos sandales? Et vous, subhanallah, l'itiba'a de sahaba. Hein? Qu'avez-vous à retirer vos sandales? Ils dirent, hein? Nous t'avons vu retirer tes sandales, alors nous avons retiré les nôtres. Il dit, en vérité, Jibril est venu m'annoncer qu'il y avait une, alayhi salam, est venu m'annoncer qu'il y avait une saleté, où il dit une chose nuisible, et dans une autre version du hadith, une impureté, je les ai donc retirés. Si l'un d'entre vous se rend à la mosquée, qu'il regarde ses sandales. S'il y voit une saleté, une chose nuisible, et dans l'autre version, une impureté, qu'il les essuie, puis prie avec ses sandales. Il y a donc dans ce hadith l'indication. Regardez l'istinbat de Mashaïr, comme on a dit sur l'istinbat. C'est quoi l'istinbat? On avait expliqué ça. C'est comment tirer l'ahkam shar'iyya des nosous shar'iyya. Regardez comment il tire l'ulama, le mashaykh, l'ahkam. Il dit, il y a donc de ce hadith l'indication sur le fait que les mouvements faits dans la prière pour un besoin, une hajah,